RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh ben bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir Slasher. Bonsoir Scream. En forme? Très très bien, et toi, même s'il fait hyper chaud, ben c'est bien. Ouais, il fait super super chaud. Oui. Alors on fait un petit coucou à Sylvain, qui est débordé de taf. Mais elle nous écoute au taf, c'est bien. J'imagine en train de danser avec les petits vieux là, voilà. Ça les fait bouger quand même. Oui. Pas trop, parce qu'il y a beaucoup de chaleur quand même. Hein. Et là, c'est notre indicatif, hein, donc c'est Hit avec Downtown. J'adore cette chanson. Un jour, je vais la repasser entièrement. Bah, aujourd'hui, dans l'émission, je vais la repasser entièrement. J'adore trop cette chanson. Ok, pas de souci. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on va commencer cette émission. Et oui, encore une fois, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, c'est l'hécatombe, comme tu dis. Hein. Comme l'année 2016, hein, là, ça voilà. Va se finir encore avec un truc. Ouais. Et là, on va commencer cette émission en rendant hommage à Greg Allman. Allman Brothers Band. Et on va s'écouter. Bon, c'est plutôt du blues, hein, du blues rock. Oui, mais c'est la racine du métal. Hein. Tout à fait, voilà, c'est très bien dit. Et on va s'écouter donc en hommage donc, à Greg Allman avec Rambling Man. Et on se retrouve tout de suite après pour démarrer dans la joie et bonne humeur en espérant qu'on refera des hommages bien, bien, bien loin de là. Oui. Down. Et ben voilà, donc c'était notre hommage à Greg Allman. Et oui, malheureusement. Voilà, qui nous a quittés. Donc Greg Allman, donc membre de Allman Brothers Band. Si vous entendez comme bruit de fond, c'est notre ventilateur. Il fait très chaud. Ah oui, il fait très très chaud. Hein. Voilà. Donc, bon, rip à toi, Greg. Voilà, donc c'était avec le titre Rimbling Man. Donc c'est du blues. Et comme le slasher vous disait, hein, oui. C'est l'essence du métal, hein, le blues. Si vous ne savez pas faire des gammes de blues, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir partir en solo ou des choses comme ça. Oui. On remercie les gens qui nous témoignent déjà de leur petit coucou. Oui, qui like déjà. Qui like déjà, vidéo, qui nous disent santé, super. Tout ça. Voilà. Mais bon, nous sommes raisonnables, vous avez remarqué. Santé à tout c'est monde. De la limonade. Oui. Alors, on va commencer très fort. Nous sommes allés voir en plus hier Pirates des Caraïbes. Donc, pourquoi ne pas jouer un extrait du dernier album des Alerstorm ? Ah oui. Mais par contre, faites gaffe. Si vous voyez Alerstorm, faites gaffe à votre pif. C'est des gens super, super sympas, oui. Qui adorent la déconnade. Normalement, Riff d'Enfer a demandé. On a demandé une interview donc d'Alerstorm pour parler un petit peu de leur nouvel album qui s'appelle No Grave But The Sea. Et on va s'écouter le titre Alerstorm, tout simplement. Eux, ils appellent ça du pirate metal. Oui, du pirate metal. Et c'est très, très, très festif. Oui. Bah, déjà, quand vous les rencontrez en interview à 10h30 du matin, c'est pas du rhum, mais on n'en est pas loin. Okay. Voilà. Alors, c'est franchement, il est bien. L'album est super génial. Et on va s'écouter donc un extrait du pirate metal de Alerstorm. Qui seront eux au Hellfest. Donc vous retrouverez encore un extrait d'ici 2 semaines maintenant pour la spéciale Hellfest. Parce que dans 18 jours, dans 20 jours, nous sommes sur la route. Le décompte. Le décompte sonne. Le décompte. Final countdown. Allez, c'est parti. C'est parti. Your brains to know. You hate firing mechanics. Alors, qu'est-ce que tu penses du dernier Alerstorm slasher? Ça bouge. C'est des fous furieux. Voilà, je tiens à confirmer. L'interview qu'on avait fait avec Sofiane en 2015. Sofiane, on fait un petit coucou à Sofiane qui nous écoute. Hein. On avait fait une interview et on avait même demandé. Donc, imaginez-vous, imaginez-vous un peu à 10h30 du matin, déjà le groupe bien chargé. On leur demande de s'imaginer à la place du capitaine Crochet et nous mimer une scène. Ben, malheureusement, ils nous ont pris en aparté. Ils ont enfoncé nos doigts dans nos narines, comme s'ils nous avaient prisonniers et tout ça, en train de déconner. Franchement, c'est un groupe qui adore déconner. Donc, moi, je trouve en plus que c'est une musique qui pourrait bien prêter aussi à un Pirate des Caraïbes. On en avait déjà posé la question, hein, d'ailleurs. Oui. Et là, normalement, on aura une interview donc, pour un peu parler de ce nouvel album des Alerstorm. C'est donc, eux, ils se consacrent un petit peu, on appelle ça du pirate metal. Et franchement, c'est très, très bien ainsi. Voilà, donc si vous avez pu noter, vous retrouverez même la page sur la cover sur la page Rive d'Enfer. Oui. C'est un pirate très squelettique sous l'eau. Voilà, alors on continue cette programmation musicale avec le nouveau Nickelback. On remercie tonton Roger qui nous a envoyé le single qui s'appelle Song on Fire de Nickelback. On va le découvrir ensemble. C'est parti sur RQC 95 FM. Et puis après, ce sera au tour de la Slasher Song. Et oui. Yeah. Eh ben, c'est pas mal. Bon, ça reste une balade hein, maintenant, comme Nickelback a sait les faire. Hein. Ils sont tombés un peu dans l'engrenage très commercial. Mais bon, si ça leur réussit, ben, tant mieux pour eux. Voilà, c'est ce que je dis, tant mieux pour eux. Et tant pis pour les mauvaises langues. Chacun fait ce qui lui plaît. Comme disait un certain groupe qui s'appelait Chagrin d'amour, d'ailleurs qui n'existe plus, malheureusement. Ils sont tous décédés assez brutalement. Ben, voilà, c'était une petite parenthèse. Comme ça, ben, on s'endormira un peu moins bête ce soir. Alors, il est l'heure de passer à la slasher song. Et oui, et oui. Et tu nous as choisi quoi, slasher, aujourd'hui ? Ah ben, je vous ai choisi un bon Mr. Big. Tiens, déjà, pourquoi le motif ? Parce que j'avais envie, tout simplement. Et aussi parce que Mr. Big vont sortir un nouvel album qui s'annonce très très bien. Donc, Mr. Big est un groupe qui nous vient des États-Unis. C'est du hard rock, pop metal, glam metal. Année active de 1988. Donc dans les membres, il y a Eric Martin. Très belle voix d'ailleurs. Oui, très très bonne voix. Pat Torpey à la batterie. Ah, Billy Sheehan, pour moi l'un de mes meilleurs bassistes. Billy Sheehan et Paul Gilbert aussi, l'un aussi de mes préférés, guitaristes préférés. Et en ancien membre, on a Richie Kotzen qui est aussi un excellent guitariste. Donc la dernière fois aussi, pourquoi j'avais envie de Mr. Big, j'avais vu en fait une vidéo où on voyait Billy Sheehan qui faisait un solo avec Steve Vai, c'était tout simplement prenant, il tapait sur la basse, mais ça faisait une mélodie, et c'est vraiment un truc de malade, quoi, vu que... Un fou furieux à Billy Sheehan. Ouais, c'est des fous furieux. Steve Vai, Billy Sheehan, Paul Gilbert, des fous furieux. Et donc là, on va s'écouter quoi ? Mr. Big avec le titre Mr. Gone. Extrait donc de l'album Bumhead. Oui, Bumhead. Qui est sorti en 1993. Voilà. Et oui. Voilà, donc c'est Mr. Big, un groupe de fous furieux que je vous conseille à voir s'il passe par chez vous, parce qu'il ne passe pas souvent par chez nous. Ils tombent beaucoup au Japon, dans les pays asiatiques, c'est ce qu'ils adorent en fait. Voilà, allez, c'est parti. Donc je te laisse annoncer. Donc c'est Mr. Big avec Mr. Gone. Alors. Alors. Alors, c'est le slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma slasher song. Thank you. c'était Mr. Big avec cette terrible chanson Mr. Gone. Et là, on entend déjà bien les petits tappings et tout ça de oui, Billy Sheehan sur sa basse Yamaha. Hein, il joue sur une basse Yamaha. Une basse Yamaha, des basses de fou aussi, à deux manches. Double manche, on appelle ça. Ou alors tout simplement des basses actives et non passives. Donc actives, c'est parce qu'il y a une pile en plus pour amplifier encore un peu plus la basse. Mais bon, ça, on va pas entrer trop dans les détails. Oui. Voilà, donc c'était un slasher song. Oui. Voilà. Si vous êtes dehors sur votre terrasse en train de nous écouter, ça nous fait super plaisir car nous ici il fait super chaud. Donc vous avez vu, on a les cheveux qui volent un petit peu, mais ce n'est pas un courant d'air, c'est le ventilateur qui nous aide un petit peu à tenir si vous êtes cette chaleur. Voilà. Ah oui. Mais si vous êtes en train d'en siroter une, siroter une pour nous, ça nous fera que du bien. Voilà, santé tout le monde. Voilà. On va s'écouter Unleashes Archer avec Shadow Guide. L'album s'appelle tout simplement Apex. Et on se retrouve tout de suite après. Beaucoup, beaucoup de nouveautés. Encore une fois, aujourd'hui, on en profite pour un petit coucou à Sylval qui nous écoute sur la route ou tout simplement en train de taffer. Voilà. Il est en train de taffer sûrement. Courage à toi. Courage. pas mal du tout quand même. Unleashed the Archer, oui. Shadow Guide, franchement très très très bien aussi. On en profite aussi pour faire un petit coucou à Cédric de Forevermore. Cédric, coucou Silmi. Et une bonne nouvelle, Forevermore est reformé. Donc ils sont au taf pour un album mais plus un EP et on espère les avoir dès qu'ils ont fini leur taf ici en studio. T'as compris Assad, tu n'y échapperas pas, hein, voilà. Voilà, c'est dit. On poursuit avec encore une nouveauté, c'est figure sur la page Rive d'Enfer, la cover, donc le cover de cet album. Hein. Oui, les pochettes, on peut tout retrouver, un peu une partie de la programmation sur la page Facebook. Une partie, tout à fait, une partie, pas tout. Tout, ce serait un peu beaucoup, voilà. Ouais. Avec Abomined Soul Provit. Yes. C'est pas mal, Abominade Soul Prove It, je sais pas ce qu'il veut qu'on prouve, mais enfin, voilà, nous en tout cas, ils ont prouvé que c'était vraiment du bon du et très, du très, très bon. On vous rappelle le jeudi, eh ben, qu'est-ce qui se passe jeudi comme événement, eh ben, au Zénith de Lille, Zénith Arena à Lille, il y a Deep Purple en concert. Donc si vous n'avez pas votre place, vous tracassez pas, si vous vous rendez au Hellfest, ils seront au Hellfest aussi, donc voilà. Et oui. Mais ça vaut mieux l'occasion de les voir plus en intimité, on va dire ça comme ça, donc au Zénith, que au Hellfest où ce sera blindé de monde. Voilà. Donc ce sera jeudi et normalement vous retrouverez la compagnie des Guélurons et de Rives d'Enfer qui seront présents là-bas pour un groupe qui s'appelle Deep Purple. Petit groupe qui a commencé dans les années 1968, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Voilà. Ice on Mercury. L'album s'appelle Blind Leading the Leafless. Et on va s'écouter le titre éponyme de cet album, Blind Leading the Leafless. With the fake humanity, you're left to believe in nothing. Ice on Mercury avec oui. Blinding Leading the Leafless. Oui, c'est excellent. Et tiens, j'ai une petite nouvelle pour tous ceux qui viennent au Hellfest. Bah, le groupe Wasp ne pourra pas se produire. Black Idol West est dans la possibilité de se produire au Hellfest. Et il sera remplacé par Monsieur Dee Snider avec son groupe solo. Voilà. Bon, c'est un peu. Enfin, bon, c'est bien parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Twisted Sisters. Oui, notamment à l'époque moi. Existait. Mais c'est Dee Snider. C'est mais là, vous avez quand même Dee Snider. Oui. Voilà, bon, moi, j'aurais préféré Wasp. Oui, quand même. Parce qu'en plus, il fait sa tournée des 25 ans de. Oui, 25, The Idol. The Idol. Voilà, c'est un truc qu'il ne fallait pas rater. Bon, ben, voilà quoi. Blackie dans l'impossibilité de se produire. De toute façon, ou alors il ne veut pas se produire. C'est... Cela dépend. Cela dépend de comment il s'est levé, si s'est levé du pied gauche ou du pied droit. Ben, il y en a quand même plein. Il y a Yorn qui a annulé aussi. Yorn qui a annulé, et je ne sais plus c'est quel groupe qui le remplace. Mais... Ouais, donc il y en a déjà trois qui ont été directement vite remplacés. Voilà quoi. Oui. Ben, merci de l'info, Slasher. Hein, voilà, ben, tu es là. En tout cas, ça fera plaisir à Sylvain parce qu'elle n'avait pas vu Twisted. Ah, ben, elle me dit qu'elle préfère Wasp aussi. Elle préfère Wasp aussi, elle vient te le dire. Oui. Voilà. Allez, Ancien Dôme, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle The Void Unending. On va écouter Black Passage, le passage noir. Bouh. Eh ben, je signe tout de suite pour cet album Ancien Dôme, Black Passage, The Void, Ending Ding. Franchement, extra, ce mélange comme ça de prog, de power. Franchement, c'est ce qu'on aime ici, nous, dans Rive d'Enfer. Oui. On aime un peu de tout. Hein. Voilà, on essaie un peu de vous faire un peu plaisir à toutes et à tous. Sanctuary, l'album s'appelle Inception, Die for My Sin. Slasher, tu as fait quand même très très très mal au cul à certains auditeurs, auditrices, car ils sont là, putain Wasp, voilà, ils espéraient plus voir Wasp que Dee Snider, mais bon, voilà, nous n'en avons plus rien du tout, hein, Oui, hein. Mais bon, à mon avis, il passera par chez vous. Non, il est sûrement de Creugne. De Creugne, ou alors Forum Boréal pour nos amis de Chantilly. Oui, les Cantiliens. Les Cantiliens, voilà, c'est bien, tu retiens. Ah bah oui. Mais voilà, il ne faut pas trop désespérer. Hein. Bon, ils ne sont pas quand même encore tous, tous prêts à prendre leur retraite. Hein. Voilà. Escalion, l'album s'appelle Dream Alive. Encore une nouveauté, c'est Divergent Falling. C'est tout de suite, c'est maintenant. false ideals a prey. Step inside the cast this prison man made. See me on my way, false ideals a prey. Step inside the cast the prison man made. I am on my way, wind up tied a slave. The candle burns fast in endless charade. See me on my way, false ideals a prey. Step inside the cast the prison man made. Excalion avec Diversion Falling. L'album s'appelle Dream Alive. Alors on en profite un petit peu pour faire notre petit tour du monde, un petit bonjour du côté de l'Argentine, oui. Le Maroc, l'Espagne, les USA, le Japon, tous les pays qui nous écoutent, oui. L'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, et etc. Firespawn, l'album s'appelle The Reprobate, et on va s'écouter Full of Hate, et après ce sera l'heure de la balade crapuleuse, qu'en dis-tu, Slasher? Bah, moi ça me va ce programme. Ça va ? Ok, oui. C'est parti. Voilà, j'aime bien quand même de passer un peu, de l'énerver comme ça avant de passer à la balade, oui. Crapuleuse. Hein. Là, c'était Firespawn avec Fall of Hate. Il est l'heure de passer à la balade crapuleuse avec White Windows, Carry the Heart Touch, extrait de l'album Crossfire. Mmh. superbe, super balade quand même, hein. White Windows, Carrie the Heart Church, extrait de l'album Crossfire. Oui, oui, excellent. Voilà, et comme je très, disais très tout à l'heure, hein, dans 20 jours, ben, go, le Hellfest. Go. On va retrouver les poteaux, les groupes, les amis. Les organisateurs, les pupettes, nos pupettes préférées. Oui. Hein. Pas les poupées, les pupettes, rassurez-vous. Voilà, et on leur fait un petit coucou parce que je sais qu'ils nous écoutent et qu'ils nous regardent là pour le moment. Oui. Donc Marcus et Spencer, il y aura peut-être des amis avec eux, hein. J'en sais rien du tout. Pourquoi pas. Il y aura aussi Elodie, Hello et tout, de Elie Promotion et tout ça. Oui, nous avons. On en profitera bien entendu de leur faire un petit coucou et de leur dire bien tout le chapeau qu'on leur dit. Oui. Et bien rigoler ensemble. Voilà. Tranquille. Donc tout à l'heure, tu parlais de Mr. Big, un nouvel album. Oui. Mais là, figure-toi qu'on a reçu le single, le nouveau single de Mr. Big. C'est parfait, ça. Voilà. Et le single s'appelle simplement 1992, ce qui veut dire tout simplement 1992. Hein 1992. 9009. Non, 19. J'ai trop chaud là, je réfléchis plus. 1992. Voilà, 1992. C'est un nouvel extrait du Mr. Big. On ne sait pas à quelle sauce ils vont nous manger. Oui. Bon, nous on a reçu un peu la cover, hein, comme ça. On a vu que bon, Billy Sheehan est toujours le même. Oh, oui. Eric Martin, par contre, il a bien changé. Merci de la chirurgie esthétique. Il ressemble plus à un elfe maintenant. Ça, c'est marrant. Il pourrait avoir sa place pour jouer le Legolas numéro 25 dans Le Seigneur des Anneaux. Mais enfin, moi, ce qui compte le plus, voilà, c'est la voix. C'est la voix. J'espère que la chirurgie n'a pas touché sa voix. Non, bah non, je crois pas. On va s'écouter. D'ailleurs, on va en juger tout de suite là, avec 1992. C'est le radio single qu'on a reçu en exclusivité pour vous ici sur RQC Riff d'Enfer. C'est parti, Mr. Big, c'est nouveau, c'est tout frais. Oui. Et c'est pour vous. So I couldn't refuse. Won't somebody shout that I didn't choose? But the fans were screaming, so I couldn't refuse. Record company said to us, thank you, man. Then they threw us right into the garbage can. But the good people listened and they pulled us through. I was number one. « 1992, Mr. Big, le nouveau, c'est le radio oui, single. Oui. » Et ben, et tiens, donc pour « 1992, 1992 à 1992, et ben, je sais pas si ça correspond à ça sur l'histoire de Mr. Big, mais il faut savoir que le 28 mars 1992, ils ont sorti un live à San Francisco. Je ne sais pas si ça correspond à ça. Voilà. Peut-être, on verra peut-être bien. Peut-être, on sait verra jamais. Bien. On verra bien, mais moi, franchement, j'adore ce titre. Ah, oui. J'aimerais bien que vous donniez un petit peu votre impression sur le retour de Mr. Big, quoiqu'ils oui. n'ont jamais arrêté. Hein. Mais avec ce titre, déjà, que vous avez pu entendre, qu'est-ce que vous pensez de ce futur album qui doit sortir incessamment sous peu. Voilà, vous pouvez répondre, le Slasher sera là pour lire vos messages et il dira ce que vous en pensez. Hein. Faut pas avoir la langue de bois, voilà. Dites ce que vous en pensez. Voilà. Alors, vous aviez demandé d'entendre le générique qu'on met tout le temps dans Rive d'Enfer, Hit Downtown Live in London. Et ben là, je vous l'avais dit, on va le jouer en entier. Voilà, parce que déjà, on adore ce titre et on espère bientôt voir Hit dans nos contrées du Nord. Hit Downtown, c'est tout de suite, c'est maintenant. He's the governor of downtown. Je ne m'en lasserai jamais de ce morceau. Oui, Downtown Heat. Franchement, super, super bien foutu. Et même la version studio, elle est superbe. Voilà. Donc, vous aviez demandé de l'écouter en intégrale. Ben, on l'a fait pour ça, pour vous. Donc, ouais. Voilà, vous pouvez réagir sur le dernier extrait du Mr. Big que vous avez écouté juste avant, hein, voir ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'en pense que du bien. Maintenant, faut voir le reste. Mais ça reste du bon et du très bon. My Regine, l'album s'appelle tout simplement Derangeant Pattern. Et on va s'écouter Time Slipping Out of the Turn. C'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Rive d'Enfer. Vous êtes bien branchés sur RQC avec le Slasher. Jusque 22h. On en profite pour faire un petit coucou à Sylval qui nous écoute. Hein. Coucou Sylval, et ben voilà, elle a changé d'avis pour Disneyder. Ah, maintenant elle préfère Disneyder ? Oui. Voilà. C'est vrai ouais. qu'elle avait déjà vu Wasp aussi, donc. On avait déjà vu Wasp. Par contre, elle n'avait pas vu Disneyder. Oui, moi aussi. Donc voilà. Donc, moi, perso, j'hésite entre les deux, en fait. Ton cœur balance entre les deux. Mon cœur balance entre les deux. Allez, My Regine, Time Slipping Out the Town. C'est tout de suite, c'est maintenant. Comme dit le monsieur tout énervé, wow! My Region, Time Slipping Out of the Town. Ça me fait penser à un petit peu du Slayer, là, comme ça, dans oui, le fond. Un petit peu dans la guitare. Ouais. Assez endiablé, comme ça. Voilà. Oui. Bon, la c'est grosse pas caisse, la batterie. Ouais, voilà. Alors, on poursuit du côté de l'Espagnolito. Justement, ça fait plaisir aussi à Elo qui dit qu'elle n'entend pas beaucoup du son hispanique. Il y en a énormément, l'air de rien. Oui. Mais elle aime bien aussi en entendre dans sa langue. Hein. Je ne peux pas des fois tout jouer, malheureusement. Mais là, le groupe s'appelle El Pasaro. Et on va s'écouter Dread to Death. Mais je ne crois pas que ce sera en espagnol. Voilà, mais enfin, c'est El Pasaro. Je ne sais pas toi qui fais l'espagnol, ça veut dire quoi il Pasaro. Je ne sais pas. Il faudrait que tu le mettes à l'espagnol, hein, mon ami. Allez, c'est parti. Oui, mais je suis en base, là, l'espagnol. Ben, c'est parti. Thank you. Eh ben, l'album s'appelle Revived Il Passaro Dread to Death. Eh ben, franchement, c'est génial, génial, génial. Oui, oui, mais par contre, une aparté, c'est Il Passaro, mais je crois pas que c'est El Pascado en espagnol, vu que El Pascado, ça veut dire El Passaro, le Passaro. Donc voilà, j'espère que... Bah, pourquoi pas, il y en a bien qui s'appellent bien, je sais pas moi, Le Poulpe. El Pulpo, El Pulpo. El Pulpo. Ben voilà, si on fait un groupe, nous, on s'appellera les Méduses. El Medujo, El Medujo. Oui, c'était le poivron. Les peperones, les peperones, pourquoi pas. Allez, Orden Hogan, ça c'est nouveau, c'est tout frais. On a reçu aussi de chez Frontier, c'est le single qu'on a reçu. Le titre qu'on va se jouer, bon, on en a qu'un de toute façon, c'est le Gunman. Gunman, ce qui veut tout simplement dire, hein, Gunman. Hein, oui. Voilà, tout le monde a compris. Hein, et on va s'écouter ce titre-là en attendant l'album qui va sortir incessamment sous. We'll be right back. Eh ben, la grosse artillerie à Orden Again, ah oui, avec Gunman. On attend l'album aussi avec impatience. Franchement, c'est la grosse artillerie. Il y a beaucoup de bonbons chez les Allemands aussi, hein, dans tout ce qui est comme ça métal. Oknos, c'est tout de suite, c'est maintenant. L'album s'appelle All World. Et on va écouter Keeper of Time. Ben voilà, c'était Oknos avec Keeper of the Time. Bon, moi, je suis pas très chaud pour, comme vous le savez, les voix comme ça. Oui, on n'est pas trop ça dans les vrais enfers. Ben non, mais bon, voilà. On reçoit, donc on joue quand même. Hein, et voilà, c'est leur fait plaisir aussi. Une Really Child, l'album s'appelle Can't Go Home. Et Get on Top, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est ici, c'est Sourire d'Enfer. Et avec vous, jusque 22h, le Slasher. Oui, et Scream sur RQC 95 FM. Ou alors sur le net. Oui, rqc.be. Voilà. Got my number in your speed dial. You'll get C'est pas mal foutu, c'est Unreal Child et... avec Get On Top. L'album s'appelle Can Go Home, c'est bien foutu. Et c'est de l'AOR, un peu prog, tout ça, c'est vraiment bien, bien. Très Gun For Here, avec le titre Infection, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est là. Alors l'album s'appelle God Evering Deacon et c'était This Gun For Here avec Infection, c'est vraiment bien. Excellent. Ouais, j'aime bien un petit peu les changements de voix comme ça, un peu growl, puis après ça repart dans le chant clair, on va dire clair. Voilà, c'est bien, ça fait bien. Alors on poursuit avec justement avec Infection, après quand on est Infection, donc ça veut dire on est affecté. Et on va s'écouter Infected avec Judgment Day. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est là. Et ça fera plaisir aussi à une amie photographe qui a justement été dernièrement shootée, je crois, Infected il y a très peu de temps en Belgique. Voilà. Voilà donc, juste à l'instant, c'est l'album s'appelle Judgment Day et c'est le titre Judgment Day Infected. Après, ben, quand on est infecté, ben, ce qui est juste, ce qu'il faut faire un petit dressage. Et là, on fait appel au groupe Running Dead avec Dressage. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Rive d'Enfer. Yeah! Retenez bien ce groupe quand même, Running Death avec Dre Sage. Ben voilà, il est bientôt l'heure de se quitter. Et Slasher. Oui, malheureusement. Voilà, oui. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Rive d'Enfer. Hein. Oui. Et la semaine après, donc. Oui, ce sera la spéciale Hellfest. Voilà, et on sera tous les trois oui. réunis autour de cette table pour vous faire la programmation spéciale Hellfest. Oui, ça partira un peu dans tous les sens. Hein, oui, voilà. On dira nos coups de cœur, on dira les interviews qu'on aura programmées. Et on espère que tout ça passera bien pour vous comme pour nous. Oui, pour les festivaliers, pour tout le monde. Voilà. Et nous, on va se quitter avec Jester of Destiny, avec My Cart Seer. L'album s'appelle The Sorrow That Refers to Drone. Voilà, on fait un petit coucou à tous les auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés à travers le monde, à travers le net, comme on dit. À travers la bande FM. À travers la bande FM. Partout. Partout. On fait un petit coucou aussi à Sylval qui nous a écoutés. Oui, et qui a été réactif, hein, comme tu as dit. Oui, oui. Au départ, elle voulait plus Dee Snider, elle voulait Warp, blablabla. Voilà, donc ça a été très réactif. Elle a réagi, ça c'est pas mal aussi. Oui. Comme Yannick, comme Agnès, comme plein de gens. On fait un petit coucou à Roots aussi qui nous a écoutés. Ouais, coucou. Voilà, même si c'est pas sa cam, on sait, mais bon, ça fait plaisir de se voir écouter par les collègues de la radio. Ouais, alors, Jester of Destiny, My Cart Seer, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ciao, Slasher. Ciao, Swim. Ciao, tout le monde. Lost control. alors c'est à la fois furieux et festif, fouillé, complètement...